Eh bien bonjour, c'est Big M et nous sommes à la seconde édition de Whispers from the Hellmouth de Geek and Cheese avec l'équipe de Pourquoi Buffy c'est génial. Et aujourd'hui nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir d'être en compagnie d'un comédien de notre série préférée. Il incarne Riley Finn, un personnage à la fois complexe et attachant, bien que souvent controversé. Mesdames et messieurs, le grand Mark Blucas. Bonjour Marc et bienvenue dans Pourquoi Buffy c'est génial. Merci. Tu sais, quand j'ai écouté ton introduction, j'ai eu l'impression que tu disais Dick and Cheese, bite et fromage, et non Geek and Cheese. Donc si tu sens que tu dois la refaire, vas-y, hein. Mais sinon, on peut rester comme ça. Marc, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Pendant des années, tu n'es pas venu aux conventions, puis tu as assisté à l'une d'entre elles. Et maintenant, tu es là tout le temps. Tu adores venir nous voir, n'est-ce pas? Yeah, there was a 20 year period where I did not go. I thought people would just throw rotten fruit and shit at me. Oui, il y a eu une période de 20 ans pendant laquelle je ne suis pas allé en convention. Je pensais que les gens me jetteraient des fruits pourris ou de la merde, tu sais. Mais je pense qu'avec le temps, la première que j'ai faite, c'était au Pays de Galles et l'accueil a été si chaleureux et même ceux qui étaient anti-Riley étaient seulement si gentils. Tu sais, souvent dans la vie, on passe trop vite à autre chose. Je pense que parfois, ça, c'est bien qu'on s'arrête pour juste sentir les roses. Et je pense que pour les acteurs, tu espères qu'à la fin de ta carrière, tu auras fait partie de quelques séries qui ont résisté à l'épreuve du temps, qu'elles sont entrées dans la culture et les mentalités des gens. Le fait que cette série compte toujours au niveau mondial, partout dans le monde, est stupéfiant. C'est pour ça que je reviens tout le temps, mais surtout pour venir dans le podcast. Awesome. Génial. Sarah Michelle Gellar vient récemment d'annoncer qu'elle reprendra le rôle de Buffy dans une nouvelle série. Parlons donc du sujet tant attendu. Si on te demandait de reprendre ton rôle de Riley, tu voudrais revenir ? Et où imaginerais-tu la place de Riley dans cet univers ? Well, I would in a second, and I think that a couple of things. One, Eh bien, je le ferai. Écoute, je le ferai dans la seconde. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je suis ravi. On a beaucoup parlé du reboot de Buffy, de faire différemment avec d'autres personnes. Mais c'est tellement emblématique et c'est tellement lié à Sarah. Je suis ravi que maintenant ça se fasse avec elle et avec Gail Berman. C'est des personnes qui étaient là au début, qui sont impliquées depuis l'origine de la série. Parce que je sais que quelle que soit l'histoire, et je la connais pas, mais je sais qu'elle sera traitée de la bonne manière. C'est pour ça que je me réjouis pour les fans qu'elle soit impliquée. Je pense qu'il y a clairement un engouement pour la série. Tu sais, Sarah, elle se soucie beaucoup, je pense, de son personnage, du ton de cette série et de faire ça correctement. Comme par exemple Cobra Kai a fait avec Karate Kid. Si tu l'as vu, l'une des choses qui rend la série si intéressante, c'est qu'ils ont ramené les gens, quoi, tellement de personnages du film. Je pense donc que dans un effort de satisfaire tous les fans qui disent « Hey, où est ce personnage ?» et « Où est ce personnage ?» J'espère qu'ils nous appelleront tous et qu'ils nous diront « Hey, vous voulez pas revenir et faire un épisode ?» Tu sais, moi j'ai adoré travailler avec Sarah et faire partie de cette série à l'époque. Et évidemment, nous venons d'avoir une perte énorme, une tragédie choquante avec ce qui est arrivé à Michelle. Et je suis sûr qu'elle aurait probablement fait partie de cela aussi. Et je suis sûr qu'elle aurait probablement fait partie de cela aussi. C'est donc un élément qui ne pourra malheureusement pas faire partie de cette histoire. Mais il y a tellement de choses amusantes à explorer et des gens à voir. Qu'en tant que fan, moi-même, je suis curieux de voir ce qu'elle va inventer. Dans la série, tu joues le rôle de Riley Finn, un soldat combattant les démons, mais aussi le nouvel amoureux de Buffy après Angel. Et ce personnage est peut-être un peu sous-estimé. Riley est souvent vu comme le gars sympa mais ennuyeux. Ouais, que personne n'aime au lycée, mais que tout le monde maintenant veut épouser. Donc peut-être qu'avec le reboot, j'ai une chance. Penses-tu que cette perception est injuste? Et quel aspect du personnage aimerais-tu que les fans apprécient davantage? I remember very specifically two things that Joss had said in the beginning. He said, Je me souviens très précisément de deux choses que Joss avait dites au début. Il a dit « On n'enchaîne pas sur un acte de banjo avec un banjo », ce qui veut dire qu'on ne veut pas de Angel 2.0. On ne peut pas refaire le même personnage. On veut quelqu'un qui ne soit pas crispé et sombre. De toutes ces choses que David et son personnage Angel ont apporté à cette relation et à la série. C'était donc très important pour Joss. Et puis l'autre chose qu'il m'a dite, c'est « Pour les premiers épisodes, nous voulons que tu te fasses discret en arrière-plan. » Nous allons essayer de faire en sorte que le public t'aime. Alors cela ne marchera pas, ils ne vont pas t'aimer parce que tu n'es pas Angel. Nous allons faire ce que nous pouvons. Mais pendant un certain temps, nous voulons que ce soit très basique et très simple. Puis nous commencerons lentement à introduire d'autres facettes de sa vie. Et quand les scènes de combat ont commencé, je me souviens d'avoir dit « Eh, mais je vais gagner un combat un jour !» Tu sais, je n'arrêtais pas de me faire botter le cul tout le temps. Et eux, ils étaient là genre « Non, non, ça n'arrivera pas. » Et moi, « Ok, je sais. » Au moment du tournage, as-tu entendu ces critiques? Parce que nous savons que cela a été dit dans les premiers forums sur Buffy. Encore une fois, une autre chose que m'a dit Joss très tôt, c'est « ne va pas sur Internet ». Peu importe qui tu es, ce que tu fais, ils te détesteront. Et c'est comme dire « ne regardez pas l'accident de voiture quand vous passez à côté ». Tu vas regarder. Et j'ai été éviscéré. Et honnêtement, une partie était méritée. Et j'étais un très jeune acteur avec peu d'expérience. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais très novice. J'étais étudiant en commerce à l'université. Je n'avais pas été formé au théâtre. C'était tout nouveau. Et ils ont tous été très, très patients avec moi. Et donc, tu regardes et tu te penches un peu sur la question. Mais la vérité, c'est que j'étais... Bon, quand je travaillais pas, j'ai suivi les cours de théâtre, hein, et constamment, j'étais tellement concentré sur mes efforts pour m'améliorer et faire partie de cette expérience et être le meilleur possible que je n'ai pas trop entendu le bruit autour. C'est là qu'Internet peut être brutal, tu sais, ça peut être très très brutal. Et cela aurait pu vraiment me perturber à l'époque, parce que ça n'était pas gentil. Et on peut profiter de ces moments dans la vie, soit pour aller mieux, soit ça t'achève. Donc moi j'ai essayé de saisir cela, toutes ces critiques, et m'en servir comme une motivation pour essayer d'aller de l'avant, essayer de m'améliorer. L'initiative et le style militaire ont marqué un tournant dans Buffy. Comment t'es-tu préparé à ce rôle? As-tu suivi un entraînement spécifique? I didn't undergo specific training, but for me at that time, I had just finished. Je n'ai pas suivi d'entraînement spécifique, mais pour moi à cette époque, je venais de terminer ma carrière d'athlète professionnel, et donc les séquences de combat, le côté physique du rôle était beaucoup plus confortable que les scènes de dialogue, par exemple, où l'on s'assoit sur un lit. Moi, je n'étais pas encore un acteur entraîné, je ne savais pas comment décomposer la scène. Tu sais, les acteurs devaient être très très patients avec moi, et au fur et à mesure, j'apprenais. Je connaissais toutes mes répliques, j'étais à l'heure, j'étais préparé. Ils savaient que l'effort était là. Mais bizarrement, le côté militaire et le côté physique et le combat, toutes ces choses, parce que j'étais un athlète, étaient faciles pour moi. J'étais tellement à l'aise dans ce domaine. Et c'était génial. Nous avons eu un moment, par exemple, où j'ai frappé quelqu'un et la personne a laissé tomber le pieu. Et ils m'ont dit, une fois qu'il aura touché le sol, attrape-le. Je réponds, attends, mais je pourrais l'attraper en l'air. Et ils m'ont dit, tu peux faire ça? Je dis, bah ouais, je peux le faire. Et ce genre de choses, j'avais l'impression d'apporter quelque chose que peut-être d'autres acteurs n'auraient pas pu. Donc j'avais quelques points faibles, mais j'ai senti que j'avais aussi d'autres points forts dont nous pouvions tirer parti, et ils ont commencé à adapter l'écriture un peu plus à ça, quoi. That we could take advantage of, and that they started to write to a little more. Interesting, very interesting. Intéressant, très intéressant. Si tu pouvais rejouer une seule scène avec Sarah Michelle Gellar, ah, je veux toutes les rejouer toutes. Okay. Attends, une scène. Oui. Laquelle choisirais-tu et pourquoi? Eh bien, écoute, j'ai une réponse très glauque et louche. Hein. C'est un épisode. Je pense que nous étions quasiment pendant tout l'épisode au lit. Et je pense que la plupart des hommes vraiment mauvais répondraient cela. Moi, je ne vais pas le dire, parce que là, ça serait trop évident. Tu as conscience que c'est un très mauvais épisode. Yeah, that would be. I can't say that. I'm married. She's married. Ah oui, oui, oui, oui. Ça, je peux pas dire ça non plus. Et puis, je suis marié. Elle est mariée. Je connais son mari. C'est juste. Je peux pas dire ça. Je veux dire, la plupart des choses que j'ai fait dans cette série étaient avec Sarah ou avec James. Et j'étais dans le groupe. Je n'ai pas eu beaucoup de tête-à-tête. Et Sarah et moi avons eu de très belles scènes, plus longues. Encore une fois, j'aurais aimé avoir un peu plus d'expérience pour pouvoir mieux tenter ma chance et avoir l'impression que j'aurais pu être un adversaire de taille égal à Sarah en tant que partenaire de scène. Il y a un grand nombre de scènes, si je les revoyais aujourd'hui, je me dirais « Ah, j'aimerais vraiment avoir une autre chance. » Très bonne réponse. Marc, j'aurais aimé poser plus de questions. Et je suis tellement heureux que tu ne le fasses pas. Enfin, je veux dire, c'est un plaisir d'être ici. Mais nous devons nous arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Passe une excellente journée. À la prochaine. Merci beaucoup. C'était Big M pour Pourquoi Buffy c'est génial. Et moi, je vous dis bien sûr, bis nächstes Mal.